Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et accordéon parade. Accordéon parade sur plateau d'accordéoniste. J. Le bonjour de l'accordéon, c'est tous les dimanches de 9h à 10h avec Michel et ses amis du piano à bretelles. Émission pour les mordus du dépliant, 100% musette sur la bande FM. Auditrice, auditeur du musette de l'accordéon, bonjour. Pour commencer l'émission, c'est notre ami Maurice Torquange, qui va nous interpréter un passo-doble Dolce Vita, Maurice Torquange. Thank you. Et merci à Aurélien Schneider qui vient de nous interpréter Maria l'Espagnole. Aurélien Schneider est le protégé de René Grolier puisque c'est lui qui l'a lancé, qui l'a pris dans son orchestre les premières fois. Lui, c'est lui qui l'a fait connaître. Allez, maintenant, on va aller faire un tour dans les Dolomites avec un sympathique accordéoniste qui nous vient d'Italie. C'est Oscar qui nous interprète, eh bien, Cortina. Yeah! C'est la chanson que l'on reprend au cœur. Elle nous apporte un immense bonheur. On est heureux au pays du Yodeler. On garde pour nous le meilleur. Vive les Yodeler, le samedi et le dimanche. On se retrouve sur les manches. Pour valser, pour chanter. On entend dans le pays. Et les filles sont jolies. C'est la chanson que l'on reprend au cœur. Elle nous apporte un immense bonheur. On est heureux au pays du Yodeler. On garde pour nous le meilleur. Vive les Yodelers. Bernard Marly et Hubert Ledan de nous avoir emmenés au pays du Yodeler. Youhou ! Et maintenant, on va en Savoie, sous le ciel de Savoie, Cyril Denray. We'll be right back. ferme les yeux, j'imagine ce bal de la moisson. Sous un soleil radieux, l'orchestre a joué cette chanson. J'ai gardé en mémoire cet instant si riche en émotions. Quand l'échange d'un regard peut devenir une passion. Ce soir, si tu veux, on va faire tous les deux un beau voyage en bleu, un boléro en amoureux. C'est bon de fêter, après toutes ces années, le souvenir d'un jour où est né notre amour. Notre amour. Ma main, doucement, se pose sur ta joue. C'est fragile et c'est doux, comme un secret jaloux, rien que pour nous. Viens plus près de moi, je sens ton cœur qui bat, blottis-toi dans mes bras, dans mes bras. Merci à Bernard Rual de nous avoir interprété un boléro en amoureux. Et maintenant, on va aller écouter Pierre Caron, au nom Claude Caron, qui nous interprète Mamma Mia. Thank you. petit berger dans la plaine gardait son troupeau en chantant, contemplant la belle titine et la laine de ses jolis moutons tout blancs. Reine des champs, fleur du printemps, mon seul trésor, sais-tu combien je t'adore. Reine des champs, pour mes 20 ans, dis-moi, veux-tu de mon cœur tremblant. Un petit berger dans la plaine gardait son troupeau en chantant, contemplant la belle titine et la laine de ses jolis moutons tout blancs. Reine des champs, si tu m'entends, nous resterons tous deux toujours et longtemps. Reine des champs, pour mes 20 ans, dis-moi, veux-tu de mon cœur tremblant. Dans la plaine, garder son troupeau en chantant, contemplant la belle qui pile et la laine de ses jolis moutons tout blancs. Reine des champs, fleur du printemps, mon seul trésor, sais-tu combien je t'adore. Reine des champs, pour mes 20 ans, dis-moi, veux-tu de mon cœur tremblant. Pour mes 20 ans, dis-moi, veux-tu de mon cœur tremblant. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et merci aux troubadours du Musette qui viennent de nous interpréter Reine des Prés. Accordéon Parade. Une émission que vous propose, que vous présente, que réalise Michel tous les dimanches entre 9h et 10h. Une émission 100% Musette. Une émission pour les mordus du dépliant. Et puis Accordéon Parade, c'est le bonjour de l'accordéon. Auditrice, auditeur de Sorgia FM, bonjour ou rebonjour. Thank you. Et on va repartir avec Fabrice Peluso, qui nous interprète un merveilleux tango qui a fait danser nos grands-parents, le tango des fauvettes. Thank you. et merci à Albert Hennebelle de nous avoir interprété une valse de sa composition prestigieuse. Maintenant, un paso doble et c'est la fiesta. Gilles Marshall. Thank you. Merci, merci à ce sympathique accordéoniste à Guy Bardet qui vient nous interpréter ses godilles et mandoline. Et puis on continue l'accordéon parade avec une Charleston. On va faire des folies, la folie du Charleston. Et c'est Jean-Luc Vincent qui nous interprète ce Charleston. Pascal Amar. Pascal Amar qui va nous interpréter, eh bien, un gentil petit morceau. Et c'est au son de l'accordéon de Jo Sony qui nous a interprété Premier Contact que se termine l'accordéon parade. Accordéon parade est une émission que vous a proposée, que vous a présentée Michel ce dimanche sur les 91 MHz de votre radio sympathique, et elle est sympathique sur GFM. Je vais changer de studio, je vais aller me mettre au frais. Et on se retrouve dans quelques instants pour une heure de détente, une heure de bonne humeur. Allez, auditrices, auditeurs de Sorgia FM, passez un bon dimanche, une bonne semaine en triolet. Et à bientôt, bye bye. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Auditeur de Sorgia FM, bonjour. Et que ça fait du bien de retrouver la fraîcheur. Ah. Vous êtes en compagnie de Michel pour une heure de détente, une heure de bonne humeur et de fraîcheur. Comment vont nos sympathiques auditrices et auditeurs? Pas tellement bien. Vous ne savez pas ce qu'on va faire? Eh bien, on va chanter ensemble avec Bernard Dangin. Vive la rentrée! Bernard Dangin. Vive la rentrée, t'as qu'à la pimpon. Vive la rentrée, t'as qu'à la soin. tagada papan. C'est dur à l'école, mais c'est mieux qu'à la maison. Vive la rentrée, tagada soin. Vive la rentrée, tagada papan. Vive la rentrée, tagada soin. Allez les vacances, on verra l'an prochain. C'est beau d'aller à la plage avec papa et maman, de faire des châteaux de sable avec les petits enfants. Mais quand on va au Clovis, le soleil en bas du dos, on est comme une écrevisse et ça fait rudement bobo. On veut les pompiers, on ne veut pas brûler, on veut retourner parmi nos livres et nos cahiers. Vive la rentrée, tagada papon. Vive la rentrée, tagada soin. C'est dur à l'école, mais c'est mieux qu'à la maison. Vive la rentrée, tagada soin. Vive la rentrée, tagada papon. Vive la rentrée, tagada soin. Allez, vacances, on verra l'an prochain. C'est beau d'aller dans les boîtes pour danser comme des fous. Quand on rentre, on est tout moite et l'on est sur les genoux. C'est bon de draguer les filles, de leur faire guili guili. Mais quand le cœur s'émoustille, il peut s'enflammer aussi. On veut les pompiers, on ne veut pas brûler, on veut retourner parmi nos livres et nos cahiers. Vive la rentrée, tagada papon. Vive la rentrée, tagada soin. C'est dur à l'école, mais c'est mieux qu'à la maison. Vive la rentrée, tagada soin. Vive la rentrée, tagada papon. Vive la rentrée, tagada soin. Allez les vacances, on verra l'an prochain. Tagada papon. Tagada soin. C'est dur à l'école, mais c'est mieux qu'à la maison. Tagada soin. Tagada papon. Adieu les vacances, on verra l'an prochain. Vive la rentrée, tagada papon. Vive la rentrée, tagada soin. Vive la rentrée, tagada papon. Mais c'est mieux qu'à la maison. Vive la rentrée, tagada soin. Vive la rentrée, tagada papon. Vive la rentrée, tagada soin. Allez les vacances, on verra l'an prochain. On verra l'an prochain. Et aussi on peut dire adieu à la maison de vacances. Dans la maison de vacances, y a un jardin fleuri, un saule pleureur qui danse au milieu des orties, un grenier plein d'enfance et un vieux parapluie. Dans la maison de vacances, le temps est à l'abri, une girouette se balance au vent des vendredis. Les assiettes de faïence sont dans un buffet gris. Dans la maison de vacances, y a des fantômes exquis, se souviennent des romances sous la lune à minuit. On vient quand on y pense, depuis qu'on est tout petit. On vient pour les vacances, en famille, entre amis. Pierre est avec Florence, et Florence avec lui. Dans la maison de vacances, on dort l'après-midi. Dans la maison de vacances, on joue au gin rami. On lit Anatole France, quelquefois on s'ennuie. L'horloge prend de l'avance, le rosier arrosit. La maison de vacances, c'est tellement loin Paris. On fredonne douce France en cueillant des radis. Une nouvelle d'importance c'est que le chêne a grandi. Dans la maison de vacances, on s'envie d'être en vie. Tant que les souris dansent, le chat qui dort sourit. On vient quand on y pense, depuis qu'on est tout petit. On vient pour les vacances, en famille, entre amis. Pierre est avec Florence, et Florence avec Louis. Dans la maison de vacances, on dort l'après-midi. Traînée savait d'avance que tout a été dit. Et quand les souris dansent, le chat qui dort sourit. Oui, et merci à Didier Barbelivien de nous avoir interprété cette merveilleuse chanson qu'il a composée. Et puis, je sais, vous, madame, vous allez être content de revenir avec, au travail, parce que je sais que vous aimez les gros, les forts. Des hommes forts. J'ai un faible pour les forts. Je me les torré à l'eau. Les picards, les matins, les matins. J'ai un faible pour les forts. Aux petites gueules en or. Je préfère le buteur, le banquier sort et la vache qui mord. J'ai un faible pour les forts. C'est là dont le couteau sort. Les cognards à mort. Tous les mecs qui font. Tous les gars de chemin. Les totors, les étors, les ténors. Et les conquistadors, lorsque je lis des romans, je pense différemment. J'aime le héros malingré Palo, le poète fatal et sentimental. Quand je vais au cinéma, c'est la victime qui m'a. Je pleure sans peur pour Gary Cooper, un beau pullover agonise et meurt. Mais dans l'intimité, quand viennent les réalités, j'ai un faible pour les forts, j'aime les toréadors, tous les picadors, tous les matadors, tous les matadors. J'ai un faible pour les forts, un petit gueules en or, je préfère le butor, le bandier sort et la vache qui mord. J'ai un faible pour les forts, c'est là dont le couteau sort, les cogneurs à mort. Eh oui, j'ai un faible pour l'effort. Grand succès de mademoiselle Pauline Carton, qui au début du siècle chantait cette chanson, et c'était, croyez-moi, un vrai succès. Allez, on continue la variété de la bonne humeur. C'est le dimanche, entre 10h et 11h, avec Michel. Il y a un coin de France où le bonheur fleurit. Oh, l'on connaît d'avance les joies du paradis. Et quand on a la chance d'être de ce pays, on est comme en vacances durant toute sa vie. Aïe, tout chiquidou, aïe, tout l'aïre, aïe, tout chiquidou. Ai tu l'aire, ai tu chigidum, ai tu l'aire, ai tu chigidum l'aire. Le jour de sa naissance, on est fait l'otarie. De la première enfance, le douanier vous poursuit. Quand vient l'adolescence, les filles vous sourient. Et l'on chante, l'on danse, même quand on a vieilli. Aïtoun tchigidoun, aïtoun laïre. Aïtoun tchigidoun, aïtoun laïre. Aïtoun tchigidoun, aïtoun laïre. Aïtoun tchigidoun laïre. Les joies du paradis. Et quand on a la chance d'être de ce pays, on est en vacances durant toute la vie. Aïtoun tchigidoun, aïtoun laïre. Aïtoun tchigidoun, aïtoun laïre. Aïtoun tchigidoun, aïtoun laïre. Aïtoun tchigidoun laïre. Quand tu reviendras, j'aurai le cœur plein de chansons. J'ouvrirai les bras pour te serrer avec passion. Nous oublierons les jours sans fin de ton absence, avec des nuits et des matins brûlants d'amour. Quand tu reviendras, parmi mes rêves retrouvés, la joie renaîtra dans la maison ensoleillée. Nous goûterons au fil des jours le merveilleux retour d'un bonheur immense. Quand tu reviendras, on ne s'aperçoit pas des jours heureux quand ils sont là, puisque l'amour n'attend plus rien. Mais lorsque le destin a désuni nos mains, ma vie s'est arrêtée soudain. Quand tu reviendras, j'aurai le ciel au fond du cœur, serré dans tes bras, je te crierai tout mon bonheur. Car aujourd'hui, à chaque instant de ton absence, il est si fort le cher tourment du grand amour. Quand tu reviendras avec les rêves retrouvés, nous ferons la joie des lendemains ensoleillés. Et comme au jour de ton retour, nous garderons toujours ce bonheur immense. Quand tu reviendras, collines, où brillent bleu d'azur, des parfums d'aubépines se mêlant à l'air pur. Là se trouve mon village, là se trouve mon pays. On a eu still around. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Près de Paris, au bord de la Seine, sont de gais endroits où l'on se promène. On met ses beaux atours, faut être chic quand viennent les beaux jours. Et puis peut-on jamais savoir ce qui se passera le soir? En se baladant, on voit une guinguette, où dans la semaine les rouliers s'arrêtent. On y entend un orchestre poussif, un accordéon plein d'if. C'est un petit Valmusette, c'est un très gentil caboulot, où danse les midinettes, chaque dimanche au bord de l'eau. Un vieux saxo nostalgique soupire par une java, et toujours sur cette musique, on tourne à petits pas. On se balance sur l'escarpolette, et ça fait crier les fillettes. Dans le petit Valmusette, dans le très gentil caboulot, un peu partout la mourguette, on est si bien au bord de l'eau. Toute la journée, les gars, les fillettes, boivent en dansant des tas de canettes. Comme le soleil est chaud, de jolis petits coins de peau se font voir soudain sans pudeur. Pardon, c'est la chaleur. Sous la tonnelle, on voit la patronne. C'est sans mentir une jolie personne qui, loin des yeux de son mari jaloux, au violon donne rendez-vous. C'est un petit Valmusette, c'est un très gentil caboulot, où danse les midinettes. Chaque dimanche au bord de l'eau, on accompagne les danses d'un refrain qui vient des faubourgs, et l'on transpire en cadence. Tout ça c'est la faute à l'amour, sous l'œil d'un agent redoutable. On peut se viser à chaque table. Dans le petit Valmusette, dans le très gentil caboulot, dans tous les coins l'amour guette, on est si bien au bord de l'eau. Valmusette, dans le très gentil caboulot, dans tous les coins la mourguette, on est si bien au bord de l'eau. Et oui, on est si bien au bord de l'eau, c'était Mademoiselle Fréhel qui vient de nous interpréter dans un petit bal musette. Et puis, comme je vous disais au début, c'est la rentrée, et jeudi, c'est la rentrée des écoliers, des écolières. Alors, Jacques Baudouin avec Philibert vont nous réciter la table de multiplication, si elle est facile à apprendre. Alors, écoutons la table de multiplication, Jacques Baudouin et Philibert. Je voudrais bien vous raconter une histoire qui n'est pas nouvelle, je vous le dis tout de suite. Elle est arrivée à un inspecteur qui fait la tournée des écoles de la région parisienne, et avant d'interroger les enfants, il se tourne vers l'instituteur, il dit « Monsieur l'instituteur, quel était le programme de la classe aujourd'hui ?»« Monsieur l'inspecteur, j'avais l'intention d'interroger ces bambins sous la table de multiplication. » »« Excellente initiative. » La table de multiplication, la liste des départements, avec les préfectures et les sous-préfectures, ne sont-elles pas en effet les plus beaux fleurons de notre enseignement primaire? Tu parles. Nous vous écoutons. Oui, c'est parfait. Alfred. Monsieur. Alfred, table de multiplication par deux, pour mon cher inspecteur. Monsieur. Moi, deux fois trois, six, deux fois quatre, huit, deux fois cinq, dix, sept, dix, huit, dix, neuf, un virtuose. Le Paganini de l'arithmétique. Je t'en ai dit, c'était pas tant. C'est hallucinant, moi je ne l'ai pas entendu comme ça depuis... Oh, 1936, avant les grèves. D'ailleurs, pour nous, dans l'enseignement, il ne s'est pas passé grand-chose depuis 36, hélas. Philibert. Tiens. Philibert, table de multiplication par trois. Allez, tant pis, c'est l'orgie, c'est la fiesta pour monsieur l'inspecteur. Oui, monsieur, c'est comme si vous l'aviez. C'est parti, mon kiki. Trois fois un quatre. C'est tout récent, ça. Ah ben moi, je ne le savais pas non plus. Alors, vous voyez que... Ça vient de sortir. C'est une surprise pour tout le monde. Trois fois deux. Passez-moi le boulier. Sept. Ah oui, je sais, tout augmente. Trois fois trois, nous passons rapidement. Trois fois quatre, à quoi bon insister? Et nous arrivons déjà à trois fois cinq. Tout de même. Enfin, un bon bout de déblayer, tiens. Trois fois cinq. Oui, alors... Voyez-vous, autant j'ai été brillant jusqu'à présent. Autant à partir de trois fois cinq... Il y a comme un malaise. Trois fois cinq, ça n'a l'air de rien. Vous partez confiant. Et puis, mon vieux, c'est que... Ça risque d'aller vous chercher dans les... Va savoir. Trois fois cinq, il faudrait voir les Russes. À mon avis, ça doit graviter autour de... Guerre plus, mais pas moins, vous voyez. Trois fois cinq... Combien je pourrais vous le faire? Ah, je veux pas vous assaisonner non plus. Un vieux client comme vous... Si je peux vous faire une pâquerette, je ne manquerai pas. 3 fois 5, 14,50. Ah, j'aurais du mal à vous le faire plus juste. Hein. C'est mon prix Inno. Une fois que j'ai enlevé la taxe... Ça suffit. Asseyez-vous, arrêtez le carnage. D'ailleurs, je voudrais bien interroger un peu les bancs du fond. Et effectivement, l'inspecteur. Venez d'apercevoir aux bancs ultimes de la classe, et juste à côté du chauffage central, c'est là qu'ils s'épanouissent un de ces cancres qui font la gloire des récréations françaises. Je dis, comment vous appelez-vous? Oui, je m'appelle Hermès. C'est à quel sujet? Monsieur Ernest, vous m'avez l'air particulièrement doué. Voulez-vous nous dire, je vous prie, la table de multiplication par 7? Ben merde alors. Vous n'avez pas demandé la table des matières, vous avez demandé la table des matières. Vous y tenez, vous? Vous savez qu'il faut être vicieux pour aimer ça, hein? Moi, je suis très au courant, je suis ça d'assez près, forcément. Je vous donne un conseil d'amis, laissez tomber, malheureux. Vous serez déçus. C'est parce que... La question n'est pas là, table de multiplication par 7. Aïe, aïe, aïe. J'en ai marre de cette école, moi, j'en ai marre. Toujours debout au tableau, ça me fout des varices. J'ai des jambes dans un état que si vous les verriez, vous diriez, qui c'est ces guibolles minables que... La question n'est pas là, ça... Oh, mais ça va! Bouh, là là, mais c'est qui vous mordrait? Soupe au lait, hein? Vous serez content quand vous aurez un cactus dans le myocarde. Alors, ne poussons pas, il y en aura pour tout le monde. Les femmes et les enfants d'abord! Toujours dans les naufrages. Et celui-là, c'en est, hein. Si j'aurais pas venu, moi. J'aurais su que ce soit ici, j'aurais pas venu parce que vous êtes têtu. Comprenez-vous? Vous êtes peut-être pas le mauvais gars, mais qu'est-ce que vous trimballez comme carafon, vous voyez? Ça vous passera avant que ça me reprenne, c'est moi qui ai voulu. Bon! Eh ben, on va y aller. On va pas tarder à y aller. En tout cas, je vous ai prévenu, vous ne viendrez pas charler après. Vous savez ce qui vous attend, c'est à la loyale, les yeux dans les yeux, n'est-ce pas? Rendez-vous au 15-20. Voulez-vous dégager la piste? Je commence immédiatement le compte à rebours. Alors, c'est vous dire que nous n'allons pas tarder à être mis sur orbite, n'est-ce pas? 5, 4, 3, 2, 1, 0, lâchez tout, ils sont partis. Cette fois en 7. Tiens, ça m'a échappé. Et j'en passe. Voyez vous-même. Ah, vous savez, plus moderne, vous trouverez pas, hein. Alors, faut-il vous l'envelopper ou si c'est pour consommer tout de suite? Écoutez, mon jeune ami, je regrette. Moi aussi, on ne veut pas faire le réveillon là-dessus, non. Ça commence à être un peu longué, votre petit machin, là, hein. J'ai pas que ça à faire non plus, moi, alors faut être raisonnable. Hein. Un grand garçon comme vous. Avec la Légion d'honneur et l'artériosclérose. J'ai pas que ça à faire, moi j'ai encore un problème sur les robinets à me farcir. Qui c'est qui va se le cloquer? Le robinet qui perd, hein? Le bassin qui fuit, hein? Et il y a des jours où ça s'évapore. Et Marigny en 1515, c'est pas dans l'annuaire, faut le savoir. Alors écrasez, Berthe, si je vous dis que c'est la table, vous pouvez me faire confiance. C'est la table et puis c'est Mars. C'est toujours pareil, je sais pas ce qui se passe. La musique, ça va, ça, la musique, je m'en rappelle au poil. Mais c'est ces cochonneries de paroles, ça m'énerve, hein. She's your honey, then comes Monday, and that'll be sir to you. Biddy Boppy Betty, better known as Billy, he's the up-and-coming local DA. A fearless crime fighter, political insider, sure to be mayor one day. But after work on Fridays, off comes his necktie, and on come her diamonds and pearls. You better get ready, cause now Billy's Betty, everybody's favorite. Belly of the city, that's where you'll find Betty, Friday to Sunday night. Is she working undercover, or just a fun lover? Either way, that's alright. Biddy Boppy Betty, what a bouncy beauty, so sophisticated and refined. She's a boy who doesn't show it, and though the guys all know it, none of them seems to mind. When Betty starts a boppin', the joint starts a hoppin', she can twist and bend the whole night through. You really can't ignore her, and if you don't adore her, there might be something wrong with you. To Billy, working hard on behalf of our town, upholding law and order, talking to reporters, and keeping us safe and sound. If there's a moral to this ditty, it's not to judge Betty, Billy, or anyone, 'cause life's a lot richer with a healthy mixture, not to mention lots more fun. Biddy boppy Betty, biddy boppy Betty, biddy boppy Betty, boo boo. One week and she's your honey, then comes Monday, and that'll be sir to you. Eh bien, nous allons commencer une petite dédicace. C'est pour un anniversaire, c'est pour les 83 ans de la mamie du Sorgia, de la part de son petit-fils et de sa fille à confort, les yeux de la mama. Et c'est Kenji Chirac qui nous interprète cette chanson. Bon anniversaire à la mamie du Jura, du Sorgia. Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. C'est son sang qui coule dans mes veines, et des souvenirs par centaines,

Pas le temps, pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Toute l'immensité d'un si grand univers, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux. Vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Juge sans trop de sévérité, car sur mon âme, ce qui fit le drame, c'est la fatalité. J'suis un faurien, oui, je le sais bien, mais tout de même, jamais je n'aurais fait ce qui mène ici sans ce chat maudit. Un chat qui miaule, je vous jure, ça fait drôle quand on cambriole sans bruit. Son cri s'élance, telle une démence, troublant le silence des nuits. Un chat qui miaule, c'est presque un symbole de la mort qui frôle la peau. Comme un étau qui vous tordrait le cœur, on a peur. Après l'étude des habitudes du Richard de Neuilly, par la fenêtre, v'là que je pénètre jusque devant son lit. Dans le halo de mon blanc phalo, j'aperçois le magot. Sous le traversin, j'avance la main quand sur le chemin. Ce chat qui miaule, je vous jure, ça fait drôle quand on cambriole sans bruit. Son cri s'élance, telle une démence dans le grand silence des nuits. Un chat qui miaule, c'est comme un symbole de la mort qui frôle la peau. Comme un étau qui vous tordrait le cœur, j'ai eu peur. Le vieux se dresse d'un bond de détresse comme dans un cauchemar. Ma gorge ronfle, ses veines se gonflent, il me fixe hagard. Son regard fouille, mais il est qui grouille dans ma cervelle en feu. Quand tout à coup, fermant les yeux, j'ai serré son cou. On cabriole, notre lutte est folle, et ce chat qui miaule plus fort. Son cri s'élance, tel une démence, troublant le silence de mort. Un chat qui miaule, c'est comme un symbole de la mort qui frôle la peau. Quand chassé-tu, j'étais devenu soudain assassin. Monsieur le juge, que l'on me juge sans trop de sévérité, car sur mon âme, ce qui fit le drame, c'est la fatalité. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Merci à Renaud qui vient nous interpréter un chat qui miaule. Je vais vous quitter, auditrice, auditeur de Sorgia FM. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine, avec du beau temps, de la chaleur et de la fraîcheur, bien sûr. Je vous rappelle que cette émission a été réalisée et programmée, présentée par Michel, et c'est tous les dimanches comme ça, de 10h à 11h. Allez! Bye bye, à bientôt! Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 FM et sur le 102.5 FM.